السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدبر ديزولي بور الغوتاغ سكي با مون ابيتود. انا اجرو مياج كا 7h30. بتيت كو فا ريكالكولي لو تان، بتيت كومونس لا سيم بروشين ا 19h45 بور ليسي ان بتي تان باتمون لي جون بور لي بريباراسيون ايفونتويل اتسيترا. Parce que je pense qu'une heure et demie, c'est pas de trop pour l'Azromia. Donc, peut-être à 19h45 la semaine prochaine, on se tiendra au courant, inshallah. Donc, par rapport à Kitab al-Tawhid, de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, on est arrivé à Bab, la yudbahu lillahi bi makanin, yudbahu fihi li ghayrillah. Wa qawlillahi ta'ala, la taqum fihi abada. لمجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ça c'était la partie du matn par laquelle on va commencer, de l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Comme il y a beaucoup de nouveaux frères, pour les frères qui n'étaient pas là et qui n'ont pas suivi les cours depuis le début, on a fait une biographie, un dars biographique de Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qui est disponible sur le site en audio et en PDF. Donc vous pouvez retourner inshallah pour savoir un peu plus en ce qui concerne ce noble imam rahimahullah ta'ala. Et il dit dans son livre qui est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ila al-abid, il dit chapitre: on ne sacrifie pas une bête pour Allah à un endroit où le sacrifice est fait pour autre qu'Allah. Et la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'il cite un verset dont la traduction du sens est: ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Sourate Tawbah, verset 108. Là-dessus, on a l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et il dit: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. C'est-à-dire ce que l'on traduit en général par le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité. Ou on peut dire aussi le caractère opportun entre ce chapitre et le livre de l'unicité. Parce qu'on a dit que ce livre, il est écrit d'une excellente manière. On a cité que certains des savants comme Cheikh Saleh Ali Cheikh et d'autres, ils disent qu'il ressemble au Sahih de l'imam le Bukhari, rahimahullah, dans ses bons titres et dans le fait qu'il rapporte des masa'il et ensuite les adillah, les preuves de ces masa'il-là. Et donc, on a dit le rapport entre le chapitre et le livre d'unicité. Quel est ce rapport entre ce chapitre et le livre d'unicité? Parce qu'on a dit qu'on a commencé dès le début, Kitab al-Tawhid, et puis on avance de chapitre en chapitre en chapitre. Évidemment, chaque chapitre, il y a une relevance, si vous voulez, il y a un caractère opportun par rapport au livre. Et donc, quel est ce caractère par rapport au livre? C'est ça qu'il est en train de dire le cheikh ici. Eh bien, il dit أنه تابع الباب الذي قبله لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله. Le rapport entre le chapitre, ce chapitre-ci qu'on vient de citer, et le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, dont le chapitre fait partie, et qu'il suit le chapitre précédent. Car il y a dans le chapitre précédent la mise en évidence du jugement, du sacrifice pour autre qu'Allah. Ce qu'on a dit, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah. Alors qu'il y a dans ce chapitre-ci une interdiction du moyen qui amène à cela, ainsi que l'interdiction de ressembler aux gens qui commettent cela. Et puis, il fait comme son habitude, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il explique les termes qui sont utilisés dans cette partie de Kitab al-Tawhid. Et il dit يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أي أُعِدَّ لِذَلِكَ وَقُصِدَ مِنْ أَجْلِهِ. يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, c'est-à-dire un endroit où le sacrifice est fait pour autre qu'Allah. C'est-à-dire que cela a été préparé pour cela et avec cette intention-là. Puis il a dit, et c'est là on rentre dans le verset de Sourate al-Tawbah, لَا تَقُمْ فِيهِ Abada, qu'est-ce que ça veut dire la taqum fihi? Il dit le cheikh, la taqum fihi, la tusalli fi majid ad-dirar. Le majid qui est appelé majid ad-dirar. On va voir dans un instant ce que ça veut dire, inshallah. Il dit, donc, ne te tiens jamais dans cette mosquée. C'est comme ça qu'on a traduit dans le verset de Surah Tawbah. Quelle est cette mosquée? Le cheikh, il dit, ne prie pas dans Majid al-Dirar. Maintenant, c'est qui? C'est la parole de qui? On a dit c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À qui il s'adresse? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on va voir dans un instant dans l'explication du verset. C'est-à-dire que Allah azza wa jal, il interdit au messager sallallahu alayhi wa sallam de prier dans Majid al-Dirar. Et ce Majid al-Dirar, on peut le traduire en disant que c'est le Majid, la mosquée construite à l'époque avec un mobile de rivalité. Hein? Afin de causer du tort. Majid al-Dirar. Une faïda que je vous donne déjà, que Cheikh Mohamed Ben Hadi, il dit que toute Majid, toute mosquée des gens d'innovation, c'est Majid al-Dirar. Hein? La Majidun Ussisa Buniya. La Majidun Ussisa, c'est-à-dire Buniya, une mosquée fondée, construite. على التقوى أي على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على التقوى sur la piété c'est sur l'obéissance à Allah et à son messager. On a déjà donné plusieurs définitions dans d'autres cours de la taqwa. Il y a une définition qui est très connue chez les gens de science, que celle donnée par Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala. Il a dit c'est quoi taqwa? An hein? Et quoi? T'es sûr? Non, je suis pas sûr. En français, c'est quelqu'un qui la connaît en français, c'est pas un problème. Talq ibn Habib, on avait donné. J'avais même fait un cours entier sur cette. Qu'est-ce que tu espères? Ah. Raja an thawab Allah, et puis, an tatruka. Et quoi? Ala nour min Allah. Hein? Vous hésitez, vous complétez l'un autre ou... Nour min Allah, c'est quoi? La science. Naam, l'ilm. Ahsan. De toute façon, il y avait un dars complet fait par Cheikh Abd al-Bukhari, rahimahullah, qui est sur le site, il est en PDF et en audio. Vous pouvez retourner à ce... Il y a beaucoup de fawid par rapport à ce dars sur la taqwa qu'il avait fait. Et j'avais cité, le Cheikh a cité dans ce cours-là, cette définition de Talq ibn Habib. Al-taqwa sur la piété, sur l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh dit, al-mutahhirin, par rapport au verset toujours de surat al-tawbah, al-mutahhirin, ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient des impuretés matérielles et immatérielles. Le cheikh dit, al-ladina yatatahharuna min al-anjasi al-hissiyati wal-ma'nawiyya. Hein? Ceux qui se purifient des impuretés matérielles et immatérielles. Ça, c'est important à comprendre. L'hissiyya ou l'ma'nawiyya. Al-ma'na l'ijmali l'aya. Maintenant, il explique le sens général du verset de surat At-Tawbah. Il dit, yanha Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ani s-salati fi majid al-dirar alladhi banahu al-munafiqun. Maintenant, peut-être quelqu'un se pose la question, qui a construit cette Majid Dirar? Ben, la réponse c'est Al-Munafiqoun, les hypocrites. Pourquoi la raison? Madaratan li Majid Quba wa kufran billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa talabu min al-rasul sallallahu alayhi wa sallam an yusalliya fih yattakhidu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum fawa'adahum sallallahu alayhi wa sallam an yaf'ala ma talabu wa lan ya'lam qasdahum السيء فنهاه الله عن ذلك وحث على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو في مسجده صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين المفسرين في ذلك ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات والله يحب من هي صفته quelqu'un s'est posé c'est quoi une impureté immatérielle bah là la réponse est là الشرك etc d'accord. Donc c'est quoi le sens général de ce verset de surat Tawbah? Allah, exalté soit-il, interdit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de prier dans la mosquée d'Ad-Dirar, que les hypocrites ont construite afin de causer du tort à la mosquée de Quba. Et ils ont mécru en Allah, envers Allah, et ils ont mécru en Allah et en son messager, et ont demandé au messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y prie, afin qu'il prenne cela comme preuve ou comme justificatif, si vous voulez, pour justifier leur action et cacher leur faux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur avait promis de faire ce qu'il lui avait demandé. Car ils ne connaissaient pas leurs mauvaises intentions. Alors comme on dit toujours, celui qui est salafi, celui qui s'accroche à la sunna, il lit intelligemment les textes. Il lit intelligemment les paroles des ulama. Déjà, tu as une preuve de quoi ici? Ahsante. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas le ghaïb, il ne connaissait pas l'invisible. Tu peux réfuter beaucoup de sectes parmi les soufis avec ça. Hein? Et parmi ceux qui croient que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, connaît le ghaïb, l'invisible, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas leur intention. Car il ne connaissait pas leurs mauvaises intentions, et donc Allah lui a interdit et l'a incité à prier à la mosquée de Quba, construite sur l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou dans sa mosquée, qui est la mosquée prophétique, le Masjid Nabawi. Là, il y a une divergence entre le Mufassirin. D'accord? C'est-à-dire que certains Mufassirin disent que Allah Azza wa Jal, il a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans le Masjid Dirar et lui a ordonné de prier au Masjid Quba. Et d'autres, ils disent que c'est son Masjid à lui, Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée prophétique. Selon une divergence entre les savants de l'exégèse du Coran à ce sujet. Puis Allah a fait l'éloge des gens de cette mosquée. Quelle mosquée? Masjid Quba. En raison de leur purification, de l'association et des impuretés, et Allah aime ceux dont telle est la caractéristique. Maintenant, encore une fois, munasabatul aya lil bab. Comme on a vu le caractère opportun entre le chapitre et le livre de l'unicité, ou le rapport si vous voulez, eh bien on voit le caractère opportun de citer ce verset dans ce chapitre. Ou si vous voulez, le rapport entre ce verset et le chapitre. Mais ça, c'est une bonne manière d'enseigner Cheikh Al-Fawzan, parce qu'il vous montre non seulement le délit qu'a utilisé Cheikh Al-Islam Mohamed Al-Wahhab, mais aussi ce qu'on appelle Wajl Istidlal. C'est-à-dire comment cette preuve elle a été utilisée pour cette mas'ala-là. D'accord? Donc il dit ici, le Cheikh ici, il dit le rapport entre le verset et le chapitre est Munasabatu al-ayati lil-bab hiya قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. Alors quel est le rapport entre le verset de Sourate Tauba toujours et le chapitre? Quel chapitre? Chapitre qu'il est interdit de sacrifier, immoler une bête, si vous voulez, pour Allah, à un endroit où c'est fait pour autre qu'Allah. Mais c'est pas que, on va le voir dans un instant, c'est pas que où c'est fait, même si c'était fait précédemment et qu'ils ont arrêté, tu peux toujours pas le faire. Et même si c'est un endroit où c'est un endroit de leur célébration de l'Aïd. Tu ne peux pas dhbah pour Allah, tu ne peux pas dhbah là. On va voir pourquoi, inshallah. Donc le rapport entre le verset et le chapitre est l'analogie, le qiyas, entre les endroits préparés pour le sacrifice pour autre qu'Allah et la mosquée construite pour la désobéissance à Allah. Analogie sur l'interdiction d'y adorer Allah. C'est-à-dire comme tu ne peux pas prier dans cette mosquée qui est faite, construite, avec une intention de désobéir à Allah, tu ne peux pas y prier pour Allah, et bien de même, tu ne peux pas sacrifier une bête ou égorger une bête pour Allah dans un endroit où c'est fait pour autre qu'Allah, où ça a été fait précédemment pour autre qu'Allah. C'est ça en fait, pourquoi le verset il a été utilisé comme preuve. Cheikh, il explique encore mieux, il dit, encore plus, il dit, comme il est interdit de prier dans cette mosquée, alors de manière identique, il est interdit de sacrifier une bête pour Allah à un endroit où le sacrifice est voué à autre qu'Allah. Et on revient toujours à cette qaïda qu'on cite souvent, que je vous ai demandé de retenir, c'est quoi? Cette règle? C'est comme l'azromia, je vois qu'il faut, hein, faut un temps de récupération. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les doros. Hein? Sed al-dara'i'. C'est-à-dire que la religion elle est venue pour aussi pour interdire les choses qui t'amènent à ce qui est interdit. Pour fermer les portes à ces voies qui t'amènent à ce qui est interdit. On arrive à la fin de cette partie du chapitre et il dit ma yustafadu min al-ayat, c'est-à-dire quels sont les bénéfices que l'on tire de ces versets, de ce verset de sourate Tawba. Le cheikh il dit اولا منع الذبح لله في المواضع المعده للذبح لغيره قياسا على منع الصلاه في المسجد المؤسس على معصيه الله. Premier bénéfice, c'est l'interdiction de sacrifier pour Allah aux endroits qui sont préparés pour le sacrifice pour autre que lui, subhana. Et ce, par analogie, par qiyas, sur l'interdiction de prier dans la mosquée qui fut établie pour la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Déjà aussi, en tant que salafi, attaché à l'aqida, à l'asma ou sifat, déjà il y a une sifa ici qui devrait te venir en tête. C'est quoi, par rapport au verset, par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, l'ilm, c'est qu'Allah il sait toutes choses, subhanahu wa ta'ala. On va le citer, Cheikh Al-Fadhil, il va le citer plus tard. Hein? Deuxième point, استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القادورات. Donc Cheikh il dit, le caractère recommandé de prier au sein d'une congrégation de gens vertueux qui sont exempts d'impureté et de turpitude. Troisième bénéfice, إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. D'abord, avant de citer la sifat l'ilm, Cheikh il va citer une autre sifat ici, c'est quoi? Al-mahabba. Et vous connaissez, rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Allah yuhib wa yuhab. Allah yuhab wa yuhib. Allah il est aimé et il aime aussi, subhanahu wa ta'ala. Hein? Ala al-wajh al-la'iq bihi, subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit quoi ici? C'est que le Cheikh il dit l'affirmation de l'attribut d'amour à Allah, comment toujours parmi, par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala, comme tous ses attributs exaltés soient-ils. C'est important parce qu'il y a des groupes parmi les gens d'innovation qui essayent de, hein, de dire que ce n'est pas une sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, al-hathu ala isbaghi al-wudu'i wa tatahhuri min al-najasat. Quatrième point et bénéfice qu'on tire de cette partie du chapitre, c'est l'incitation à parfaire, isbar al-wudu, on dit, isbar al-wudu. L'incitation à parfaire les ablutions et à se purifier des impuretés. Évidemment, ça c'est possible que si on étudie le wudu, et que si on étudie comment le faire, etc. Khamisan, anna niyata tu'athir fil biqa'. L'intention affecte les endroits. Sadisan, ma shuru'iyatu sadd ad-dara'i' al-mufdiyati ila ash-shirk. Encore une fois, c'est une règle de ce qu'on appelle sadd ad-dara'i', ou bien si vous voulez sadd ad-dari'a, qui est le singulier de dara'i'. Sixième point, c'est le caractère légiféré de fermer la porte aux moyens qui mènent à l'association, aux voies qui mènent à l'association. Ash-shirk billah. On continue, donc Cheikh Islam Mohammed Al-Wahhab rahimahullah, après avoir cité le verset de Surat Al-Tawbah, il cite un hadith et il dit عن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. Vous avez quoi ici? Vous avez بنوانة, non? C'est بوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Cheikh al-Islam, Mohammed al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Thabit ibn al-Dahhak, qui dit, un homme fit le serment pieux, ou un vœu, on peut appeler ça aussi, un nadr, on va voir c'est quoi la définition dans l'ura, échara du nadr, incha'Allah. Un homme fit le serment pieux, le vœu, un nadr, de sacrifier un chameau à Bouana. Et il questionna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, y avait-il à cet endroit une idole parmi les idoles de la période pré-islamique qui était adorée? Ils répondirent quoi? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, est-ce que l'une de leurs fêtes était célébrée à cet endroit? Ils répondirent, non. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, acquitte-toi de ton serment pieux, c'est-à-dire de ton vœu. Il n'y a pas d'acquittement d'un serment pieux dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn al-Fawzan, d'Abdillah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Comment le Cheikh al-Fawzan explique ce passage? Il dit, Thabit ibn al-Dahhak, c'est qui? Wa Thabit ibn al-Dahhak ibn Khalifat ibn Tha'labat ibn Addi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari Sahabi Meshour Matasana 64 Hijriya. Le Cheikh il dit, Hafidahullah ta'ala, Thabit ibn al-Dahhak, c'est qui? C'est Thabit ibn al-Dahhak ibn Khalifa, ibn Tha'laba, ibn Addi, al-Ashhali, al-Khazraji, al-Ansari, compagnon célèbre décédé en l'an 64 de l'Hégire. Encore une fois, vous avez conseillé de faire des petites cartes pour les compagnons, de garder chaque fois, ou pour les mashahir, pour les ulama et les salaf, etc., de garder au moins un minimum sur leur nom, leur date de naissance, la date à laquelle ils sont décédés, et un minimum d'informations. C'est comme ça que vous allez commencer à prendre les sahaba petit à petit, les mashahir, les gens connus parmi les salafs et les ulama. Et c'est comme ça que vous allez retenir des dates et des points par rapport à ces nobles compagnons ridwanullah alayhim et à ceux qui les ont suivis dans le bien. Puis le cheikh il dit nadara. Maintenant c'est le verbe nadara. Pourquoi? Parce que le hadith il dit nadara rajulun. Nadara, et c'est avec un val, pas un dad. C'est un nadru lughatan al-ijab. Wa shara'a huwa an yalzam al-insanu nafsahu bi shay'in min al-ibadat lam yakun laziman 'alayhi shar'a. D'accord? Ça c'est encore une fois, comme je l'ai dit dans l'ajrumia tout à l'heure, les frères qui étudient l'aqida, le fiqh et les autres sciences, il faut qu'ils apprennent des ta'arif, il faut qu'ils apprennent des définitions, et les sœurs aussi d'ailleurs, hein, et qu'apprenez chaque fois c'est quoi dans le lugha? C'est un mot. C'est quoi nadr? Vous pouvez tous retenir, c'est al-ijab. Hein? Mais tu vas voir, regarde qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici. Huwa an yalzama al-insan nafsahu bi shay. Yani taltazim bima alzamta bihi nafsak. Man lam yakun mulzaman shar'a, ce qui n'est pas obligatoire à la base, que tu te l'es rendu à toi obligatoire. Quand tu dis lillahi alayya kada wa kada. Pour Allah, est sur mon obligation que je fasse telle ou telle chose. Ça devient obligatoire pour toi, mais on va voir que il y a des fois où tu peux pas le faire si c'est une désobéissance, etc. D'accord? Mais le principal, c'est que vous reteniez les paroles des ulama, que ce soit dans l'aura, dans le sens linguistique, et dans le jargon des ulama, parce que les mots, ils ont un sens spécifique dans le vocabulaire des gens de science, dans le vocabulaire religieux, ce qu'on appelle un jargon religieux, d'accord? Un jargon, c'est un vocabulaire spécifique à un groupe de personnes. Donc, un jargon religieux, donc, c'est-à-dire que ce mot-là, il a un sens dans la langue arabe, et il a aussi un sens dans la religieux. Et c'est la définition qu'il a donnée le shir. Donc essayez de la retenir en arabe, de préférence, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, qu'ils essaient de la retenir en français en attendant. Donc c'est quoi le nadara, le verbe nadara? Eh bien c'est qu'il a fait un serment pieux, ou c'est le fait de faire un serment pieux, ou de faire un vœu. Et un nadru est dans la langue arabe, eh bien c'est l'ijab, c'est-à-dire de rendre quelque chose obligatoire. Et dans le jargon religieux, c'est que l'individu se rende obligatoire à lui-même un acte d'adoration parmi les actes d'adoration qui à la base ne lui était pas obligatoire. D'accord? Puis Jérémy va donner des exemples plus tard. Bouana, c'est quoi Houdbana? C'est Hadbatun min wara'i yanbou'. Donc Bouana, c'est une colline derrière, ou un petit monticule ou une butte derrière yanbou'. وثن الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. Tu veux savoir c'est quoi un wathan? Retiens ça. C'est très facile à retenir. كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره. Ou bien tu peux dire وغيره. وثن c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme une tombe et autre. Donc on avait donné l'indifférence dans les cours précédents entre un wathan et autre chose. C'est quoi l'autre mot? As-sanam. C'est quoi la différence? Sanam, il a une forme, il a un message. Oui, c'est ça, c'est ça. c'est qu'il a une forme particulière. Donc ce qui a, il y a tous les deux sont en dehors d'Allah, mais il y a umum et khusus, c'est une spécificité par rapport au. Donc c'est tout ce qu'adorer en dehors d'Allah comme une tombe et autre. Eid. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. عيد c'est une fête et c'est une célébration si vous voulez et c'est le nom donné au rassemblement qui se répète. يعود c'est pour ça que ça s'appelle عيد. Répète dans le temps de manière habituelle. على شرطهما. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous comprenez? ضمير يعود الى من, il y a un pronom ici. On a vu l'asma al-mudmara ou l'azrumiya aujourd'hui. C'est quoi le damir ya'udu ilaman? À qui revient le pronom personnel ici? Selon leurs conditions à eux deux. C'est qui eux deux? Al-Bukhari ou Muslim. Donc il dit ici, selon leurs conditions à eux deux, un cheikh l'explique, il dit, « Ey, yantabiqu alayhi shart al-Bukhari wa muslimin aladhi huwa ittisalu s-sanadi bil-udu li-tabitina min ghiri shududin wa la'illah. » Ça fait combien de conditions ici? Ittisalu s-sanad, l'adl. Deux. Et quoi encore? Abdabd. Trois. Adam al-Shudud. Quatre. Adam al-Illa. Qui connaît la définition dans le Bayqouni des hadiths sahih? Awaluhu sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yashad aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tabadun fi dabtihi wa naqlihi. C'est les cinq conditions du hadith sahih. Vous pouvez les retenir dans le Bayqouni. C'est un livre que le Meshire conseille. C'est un poème de l'imam al-Bayqouni, rahimahullahu ta'ala. Et d'autres Meshire, ils conseillent d'abord de commencer par Nukhbat al-Fikr, d'Ibn Hajr al-Asqalani, dont il a fait le charh lui-même, qui s'appelle Nuzhat al-Nadar. Nuzhat al-Nadar. C'est-à-dire que Ibn Hajr al-Asqalani, rahimahullah, il a fait un matn, qui est une prose, qui n'est pas un poème. Il a fait, et lui-même, il a fait le charh de son propre livre. D'accord? Il y a des shiurs qui sont venus après, qui ont mis Nuzhat en poème. Sinon, le Bayqouniya, il n'y a pas beaucoup de lignes de poésie, c'est très facile à mémoriser. Et Cheikh Ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, parmi les chouchs vivant actuellement à Médine, qui est un des spécialistes dans le hadith aussi, il a une explication publiée de ce, et en audio aussi, donc vous pouvez avoir l'audio et le livre. C'est bien pour que vous compreniez, parce que c'est un dars de l'aqidah ici, si on va rentrer dans ce quoi choudou, des chouchs al-illa, al-illa al-qadiha, etc., on ne va pas s'en sortir, mais. On va essayer de traduire ça comme on peut. Vous savez que ces termes grammaticaux, les termes aussi des terminologies dans le hadith, etc., c'est très difficile à traduire. On va essayer de traduire comme on peut. Donc il a dit, c'est-à-dire que la chaîne de transmission est conforme à la condition d'Al-Bukhari et de Muslim, à eux deux, c'est-à-dire, et que ça le sanad, essayez de retenir, c'est qu'il y a une continuité dans la chaîne de transmission. Après, il faut expliquer ce que ça veut dire. Il y a une continuité dans la chaîne de transmission de rapporteurs, c'est qu'il n'y a pas d'inqita, possédant les caractéristiques de confiance. L'udoul, l'adl, c'est quoi l'adl? Il faut encore définir c'est quoi l'adl, les conditions de l'adl, etc. Et de précision requise, ce qu'on appelle ad-dabt. C'est quoi anwa' ad-dabt, etc. Hein? D'accord? Et puis, sans qu'il y ait de shudud, et sans qu'il y ait de illa qadiha fi sanad. Shudud, c'est. Les mashayikh disent d'une manière très simple, c'est que ça ne va pas à l'encontre de ce qui est plus fort en termes de narration, que ce soit en termes de. Force du narrateur ou de nombre de narrateurs. On va être vraiment de manière très simple comme ça. Et l'illa al-qadiha, c'est un défaut dans le sanad qui affecte le sanad, la chaîne de transmission. C'est vraiment de manière très, très, hein, très légère. Et sinon, vous revenez. Il y a un très bon livre qui a été écrit, qui est un livre débutant pour les débutants dans le Mustalah, qui fait partie du programme de l'Université de Médine, qui s'appelle. من أطيب المنح في علم المصطلح. C'est de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad et de Cheikh Abdel Karim Mourad, qui est un Cheikh indien qui est décédé, rahimahullah. Et donc, c'est le fameux Cheikh qui était parti avec un autre Cheikh en Inde pour voir Jama'at Tabligh. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? C'est qui l'autre Cheikh qui est parti avec lui, hein? Non, pas cette histoire-là. Quand ils ont été pour Cheikh Ben Baz, ils les ont envoyés pour voir. Non? Il a envoyé deux Cheikhs. Cheikh Belbaz. T'es pas loin. Cherchez l'histoire et écoutez-la, c'est très intéressant. Je l'ai raconté dans un dals. Il faut fouiner un petit peu, trouver où je l'ai dit, mais je l'ai raconté dans un dals. Lui, c'est un cheikh indien à la base. Abdel Karim, Mourad, Rahimahullah. Donc ces deux cheikhs, Sheikh Al Abadi, lui, ils ont écrit Min Atyab al-Minah fi 'ilm al-Mustalah. Il y a tout ce genre de définitions, que ce sont des définitions très faciles à retenir. Donc on revient, maintenant on veut le sens général du hadith. Hadith Thabit ibn al-Dahhak. المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه يجتمعون فيه فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك النادر. Quel est le sens général de ce hadith de Thabit ibn Dahhak rapporté par Abu Dawud رحمه الله تعالى؟ Eh bien, c'est que le rapporteur du hadith mentionne que le fait qu'un homme fit un serment pieux, un vieux, un vœu à son seigneur de sacrifier un chameau à un endroit précis. Et ce, en tant qu'acte d'obéissance à Allah. Et d'adoration qui le rapproche d'Allah. Et il vint questionner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de s'en acquitter. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda plus de détails au sujet de cet endroit. Et il lui a demandé, y avait-il précédemment une chose parmi les choses auxquelles les polythéistes vouaient une adoration ou que les polythéistes vénéraient cet endroit et s'y rassemblaient. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sut que cet endroit était exempt de ce genre d'interdit, il lui donna la fatwa de s'acquitter du serment pieux. Puis il indiqua le type de serment pieux dont il n'est pas permis de s'en acquitter. Et c'est le serment pieux au sujet de ce qui est une désobéissance à Allah, ou le serment pieux qui n'entre pas dans ce que possède celui qui fait le serment. Chéri va expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus tard, inshallah. Le rapport maintenant entre le hadith et le chapitre, ou le caractère opportun de ce hadith par rapport au chapitre. Le rapport entre munasabat al-hadith al-bab anna fihi al-man'a min al-dhabh lillah fi al-makan alladhi kana fi wathan min awthan al-jahiliyyah aw fi 'id min a'yadihim walaw ba'da zawalihi. Important ça, walaw ba'da zawalihi. Le rapport entre le hadith et le chapitre, le hadith de Thabit ibn al-Dahhak, est qu'il y a dans le hadith l'interdiction de sacrifier pour Allah à un endroit où il y avait précédemment une idole, parmi les idoles de la période pré-islamique, de la Jahiliya, qui était adorée, ou une célébration parmi leurs célébrations. Et ce même après que cela ait cessé. C'est-à-dire que même s'ils ne le font plus, parce qu'ils l'ont fait précédemment, toi tu ne peux pas le faire pour Allah là, à cet endroit-là. ما يستفاد من الحديث ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith Cheikh Al-Fawzan il en cite 10 اولا المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله l'interdiction de s'acquitter d'un serment pieux si c'est un endroit où une idole a été placée et ce même après qu'elle n'y soit plus ثانيا المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. La même règle, l'interdiction, mais ça c'est sur l'Eid, l'interdiction de s'acquitter d'un serment pieux ou d'un vœu, un endroit de célébration de la période pré-islamique, et ce même après qu'elle cesse d'être célébrée. ثالثا استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. Troisième bénéfice, c'est la demande de détails de la part du mufti à celui qui demande la fatwa, ce qu'on appelle mustafti. Et le fait de demander le fatwa, on appelle ça l'istifta. Et le fait de donner la fatwa, on appelle ça l'ifta. Donc le mufti ou le mustafti. Dire Cheikh Al-Uthaymin, dans l'Usul, min ilm al-Usul, qui est un livre pour débutant dans l'Usul Fiqh, il a des passages où il consacre par rapport au mufti, au mustafti, les règles, comment demander la fatwa, à qui, et dans quel cadre, et l'adab, etc. Très intéressant à lire. Donc la demande de détail de la part du mufti à celui qui demande la fatwa avant de donner la fatwa. Rabi'an, saddu ad-dari'ati al-mufdiyati ila ash-shirk. La demande de détail de la part du mufti, fermer la porte au moyen qui amène l'association, ce qu'on appelle encore qa'idat sadd ad-dara'i'. Cinquième point, al-fa'idatu al-khamisa, tark mushabati al-mushrikin fi 'ibadatihim وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. L'abandon de la ressemblance aux polythéistes dans leurs actes d'adoration ainsi que dans leurs célébrations, et c'est même si cela n'est pas l'intention en tant que telle. Sixième point, أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Donc, sixième point, sacrifier pour Allah un endroit où des sacrifices sont faits par les polythéistes ou qu'ils prennent comme endroit de célébration de leur fête est une désobéissance à Allah. Donc là, on parle de le faire pour Allah, mais à cet endroit-là. Hein. Sinon, si tu le fais pour autre qu'Allah, c'est quoi? Ça, c'est un shirk akbar, on a déjà parlé de ça. Septième point, fa'idatu sabi'ah. أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. Il est interdit de s'acquitter d'un serment pieux qui est une désobéissance à Allah. ثامنا أن النذر الذي لا يملك النادر. C'est celui qui fait النذر. النادر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له. Le serment pieux au sujet de ce que ne possède pas celui qui fait le serment ne doit pas être acquitté, comme celui qui dit par exemple il m'est obligatoire pour Allah que j'affranchisse l'abd de Foulan, l'esclave d'un tel. Neuvième point. Wujoub al-wafa bin nadri al-khali min al-ma'asiyah. Al-dakhili tahta milki al-nadiri. Neuvième point. L'obligation de s'acquitter du serment pieux ou du vœu qui est exempt de toute désobéissance à Allah et qui entre dans ce que possède celui qui fait ce serment pieux. Dixième et dernier bénéfice de, ce, de cette partie du chapitre. عاشرا أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. Le serment pieux est un acte d'adoration qu'il est interdit de vouer à autre qu'Allah. باب من الشرك النذر لغير الله. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, c'est un autre chapitre, vouer un serment pieux à autre qu'Allah fait partie de l'association. Donc le chapitre d'avant, c'était quoi? C'était le fait sur le dhabh. On est d'accord? De ne pas faire le dhabh à un endroit où c'est fait pour autre qu'Allah ou ça a été fait précédemment. Maintenant, on voit, من الشركي النذر لغير الله. Vouer un serment pieux à autre qu'Allah fait partie de l'association. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقول تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه سورة البقرة le premier verset c'est sourate l'insan et la parole d'Allah dans la traduction du sens est et ils accomplissent leurs vœux ils accomplissent leurs vœux ils accomplissent leurs vœux sourate l'insan verset 7 et la parole d'Allah dans la traduction du sens est quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué Allah le sait. Surat al-Baqarah, verset 270. Dans l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit « Munasabatu had al-bab li kitab al-tawhid. » Quel est le rapport ou le caractère opportun entre ce chapitre et le livre de l'unicité? Eh bien, c'est que « An al-musannifa rahimahullah bayana fihi nawa'an min anwa'i shirk al-munafi lil-tawhid wa huwa an-nadru li ghayrillah li-yuhdara wa yishtanab. » Eh bien, le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, y a mis en évidence un type parmi les types d'associations qui annule l'unicité. Et c'est le fait de vouer un serment pieux à autre qu'Allah afin qu'on soit sur nos gardes quant à cela et qu'on s'en écarte. Attention ici, quand c'est annule, on ne parle pas d'annuler le tawhid obligatoire, hein, on parle d'annuler l'unicité complètement. Wal'adu billah, ça c'est un acte de ridda, ça. C'est un acte de kufr. Celui qui fait cela, l'aïdou billah, yakfur billah, subhanahu wa ta'ala. Il sort de l'islam, yakhruj min da'irat l'islam. Celui qui voit un acte, d'ailleurs tous les actes d'adoration, celui qui voit un acte d'adoration autre qu'Allah, l'aïdou billah, à ce moment-là, il a commis une association majeure, c'est-à-dire une association, l'aïdou billah, qui le fait sortir de l'islam. C'est important de connaître ces choses-là parce que on touche au tawhid ici. C'est une question de tawhid et des shirk, de iman, de kufr. Donc le shirk, il explique les termes, il dit mina shirk ay al akbar. Vous voyez ici. Donc, parce que le shirk, l'islam Mohammed al-Wahhab, il a dit mina shirk. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Mina shirk al akbar. Est-ce qu'il y a shirk akbar ou l'asghar? Donc, cher, il te dit ici, il fait partie de l'association, c'est-à-dire de l'association majeure. Al-nadru li ghayrillah li annahu ibadah, wa sarfu li'ibadati li ghayrillahi shirkun. Wa nadru masdaru nadara, yanduru aw jaba 'ala nafsihi shay'an lam yakun wajiban 'alayhi shar'a, ta'dhiman lil manzuri lah. Asluhu fi al-lughati al-ijab. Al-nadru li ghayrillah, c'est le serment pieux ou le vœu fait pour autre qu'Allah, car c'est un acte d'adoration. Et vouer un acte d'adoration pour autre qu'Allah est une association. Allah. Al-Nadru, on a déjà rapporté, ça vient de quoi? Ça vient de Nadara, Yandhuru, Nadara, c'est la racine du verbe Nadara, avec un Dhal, Yandhuru, et c'est que l'individu se rende obligatoire lui-même quelque chose qui ne lui était pas obligatoire dans la religion. Et ça en guise de glorification de celui à qui le serment pieux est voué. Et la base du mot est dans la langue arabe, le fait de rendre obligatoire ce qu'on appelle al-ijab. Yufuna bin nadr. Ça, c'est le verset de Sourate l'Insan. Yufuna bin nadr. Ils accomplissent leurs vœux. Ils s'acquittent de ce qu'ils se sont rendus obligatoires eux-mêmes parmi les actes d'obéissance à Allah. Maintenant, le verset de Sourate al-Baqara. Wama anfaqtum, wama, le ma, c'est une particule conditionnelle. Ici, c'est soit. J'ai pas lu en arabe avant, mais on a dit yufuna bin nadr, yutammimuna ma awjabu ala anfusim min at-ta'ati lillah. Et ici le ma shartiya wa yajuzu an takuna mawsula. C'est-à-dire que le ma en langue arabe, il peut être soit une particule conditionnelle ou il peut être aussi une particule conjonctive. Anfaqtu min nafaqatin yashmalu kull sadaqatin maqbulatin wa ghayri maqbulah. Anfaqtu min nafaqah. Les dépenses que vous ayez faites, cela englobe toutes dépenses acceptées et non acceptées. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Allah le sait, c'est-à-dire أي يَشْمَلُ. Je n'ai pas lu l'autre en arabe non plus. أَوْ نَدَرْتُمْ مِنْ نَدْرٍ يَشْمَلُ كُلَّ نَدْرٍ مَقْبُولٍ وَغَيْرِ مَقْبُولٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ أي فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ فَفِيهِ مَعْنَى الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Allah le sait. C'est-à-dire qu'il vous rétribuera pour cela. Il y a donc dans ce verset le sens de la promesse et de la menace. Et ça, on a toujours dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, Salafiyun, Ahlul Hadith, ils font toujours le jam' entre Al-Nusus al-Wa'd ou Al-Wa'id, les textes de promesse et les textes de menace. Contrairement à Al-Murji'ah, qui ne prennent que les textes de promesse, et Al-Khawarij, qui ne prennent que les textes de menace. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقن بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلا على حسب نية وقصده. صلى الله عز وجل حسن النية ونصلح نياتنا وينزلق الصدق والإخلاص في الأعمال كلها الظاهرة والباطنة. Ça fait peur combien d'actions, des fois on peut les faire à l'aïdou billah riyaan ou sum'atan. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit ici, le sens général des deux versets est qu'Allah fait l'éloge de ceux qui l'adorent au moyen de ceux qui se sont rendus obligatoires à eux-mêmes. Vous voyez où est l'istidlal ici? Vous le voyez déjà ou pas? C'est pour la raison pour laquelle ce verset a été cité comme preuve que nadr c'est une ibada. Parce que Allah, il a fait l'éloge de ceux qui s'en acquittent. D'accord ? Et on va voir en plus en détail après, Inch'Allah. Et aussi la forme qu'il sait tout au monde que nous avons faite. Et tout acte d'adoration que nous avons accompli pour lui ou pour autre que lui. Chacun en fonction de son intention. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور النذر وسيجازينا على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرف لغير الله شرك. Le rapport entre les deux versets, de Surat Al-Insan et Surat Al-Baqarah, verset 7 et verset 270, et le chapitre, est qu'ils indiquent tous deux que le serment pieux est un acte d'adoration. Car il a fait l'éloge, subhanahu wa ta'ala, de ceux qui l'accomplissent pour lui, en sachant qu'il ne fait l'éloge que de l'application d'un ordre ou du délaissement d'un interdit. Et il a informé qu'il sait ce qui émane de nous en termes d'aumône et de serment pieux. Et qu'il nous rétribuera pour cela. Ceci indique donc que le serment pieux est un acte d'adoration, et voué à autre qu'Allah, ce qui est un acte d'adoration, est une association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-ayatayni. Ce que l'on tire comme bénéfice des deux versets de Surat al-Insan et Surat al-Baqarah, le serment pieux est un acte d'adoration. Premier bénéfice, le serment pieux est un acte d'adoration. An nadra ibadatun. فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر. Le serment pieux est un acte d'adoration et donc le vouer à autre qu'Allah est une association majeure. ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء. C'est à ça qu'on faisait référence tout à l'heure. L'affirmation de l'attribut de la science de toute chose à Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال. L'affirmation de la rétribution en fonction des actions. Al-hathu ala al-wafa'i bin nadri, l'incitation à s'acquitter des vœux des serments pieux. Maintenant, la dernière partie du chapitre, et après ça on arrêtera parce que le chapitre suivant, il touche à ce qui est l'isti'adatu bi ghayrillah, le fait de chercher refuge en autre qu'Allah. Donc c'est un autre sujet, donc on va s'arrêter avant ça, inshallah. Mais on va d'abord terminer ce chapitre. Il dit, « Cheikh l'Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, « وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعَهَ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهَ. » L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et dans l'authentique, d'après Aïcha, qu'Allah le Très-Haut l'agré, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a voué un serment pieux à Allah de lui obéir, lui obéisse. Et que celui qui a voué un serment pieux de lui désobéir, ne lui désobéisse pas. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Abu Dawud et Tirmidhi et Ibn Majah et Ahmed dans son Musnad. L'explication de Cheikh Al-Fawzan maintenant, Hafidhahullah, il dit Aïcha, hiya umul mu'minin. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يغدي الفضائل de cette femme رضوان الله عليها رغم أنف الشيعة قبح الله قولهم وقبل قبحهم الله qui critique Aïcha et qui dit des choses très très graves sur Aïcha رضي الله عنها. C'est la mère des croyants, أم المؤمنين. Et dans sourate الأحزاب وأمه وأمهاتهم وأزواجهم أمهاتهم وأزواجهم أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. Et ses épouses sont leur mère. C'est la mère des croyants, رضي الله عليها. L'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام est la fille d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'elle les agrée tous deux. Et elle a la plus vers, regardez ce que dit le Cheikh, il dit وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة ففي تفضيلها عليها خلاف. توفيت سنة 57 هجرية. Donc c'est la mère des croyants, l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام, et la fille d'Abu Bakr Siddiq, qu'Allah les agrée tous deux, et elle est la plus versée des femmes dans le fiqh de la religion, et c'est de manière absolue, et la meilleure des épouses du prophète عليه الصلاة والسلام, à l'exception faite de Khadija, car vous savez qu'il y a une divergence sur le tafdil entre Aïcha et Khadija chez les ulama, car il y a une différence au sujet de laquelle des deux a le plus de préséance. Elle est décédée en l'an 557 de l'Hégire. Certains ulama, ils ont un jam' entre le fait de donner un tafdil à Aïcha et un tafdil à Khadija en fonction de... Sahih, dans l'authentique, c'est-à-dire l'authentique de l'imam al-Bukhari. Aïe, fi sahih al-Bukhari. Fala yuti'hu, ce terme c'est aïe, liyaf'al ma nadarahu min ta'atih. Qu'il y obéisse, fala yuti'hu, c'est-à-dire qu'il accomplisse au sujet duquel il a fait un serment pieux en termes d'acte d'obéissance. Fala ya'asih, c'est-à-dire qu'il y a un ordre et après un interdit, fala yuti'hu. C'est un amr, fala ya'asih, c'est un nahi. Aï, fala yaf'al ma nadarahu min al-ma'asiyah. Qu'il ne lui désobéisse pas, c'est-à-dire qu'il n'accomplisse pas ce au sujet duquel il a fait un serment pieux en termes d'acte de désobéissance. Maintenant, le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali lil hadith, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ya'muru man sadra minhu nadrun, ou nadru ta'atin, an yufiya bi nadrih, kam nadra salatan, ou sadaqatan, ou ghera dalik. وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كما نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. Le sens général du hadith est que le prophète صلى الله عليه وسلم ordonne à celui qui a voué un serment pieux au sujet d'un acte d'obéissance à Allah de s'en acquitter, comme celui qui voue un serment pieux de faire une prière ou de donner une aumône ou autre. Et il interdit à celui qui a voué un serment pieux au sujet d'un acte de désobéissance de s'en acquitter, comme celui qui fait le vœu d'offrir un sacrifice pour autre qu'Allah, ou de prier près des tombes, ou de voyager pour visiter les tombes, ou autre chose parmi les actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vous voulez savoir plus sur Nadr, revenez au livre de Fiqh. Munasabatul hadith lil-bab. Quel est le caractère opportun de ce hadith par rapport au chapitre, ou quel est le rapport entre le hadith et le chapitre? أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية فدل على أنه عبادة فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique que le serment pieux peut être un acte d'obéissance comme il peut être un acte de désobéissance, et donc il indique que c'est un acte d'adoration. Et donc quiconque voue un serment pieux pour autre qu'Allah lui aura donné un associé dans son adoration. C'est-à-dire que ce hadith-là, le wajl istidlal, pourquoi Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, il a utilisé ce hadith comme preuve par rapport à son chapitre, son intitulé de chapitre, si vous voulez, eh bien, c'est qu'il indique que le nadr, c'est un acte d'adoration. Sinon, le prophète Sassim, il ne t'aurait pas dit de t'en acquitter si c'est un acte d'obéissance et de le délaisser si c'est une désobéissance. Ma yustafadu min al-hadith. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, il y en a trois. Awalan, anna nadra ibadatun, fasarfuhu li ghiri lahi shirk. Le serment pieux ou vœu est un acte d'adoration, et donc le vouer à autre qu'Allah est une association à Allah. Deuxième, wujubu al-wafa'i bi nadri at-ta'a, l'obligation de s'acquitter du serment pieux qui est un acte d'obéissance à Allah. Troisième point, tahrim al-wafa'i bi nadri al-ma'siyah, le caractère illicite de s'acquitter du serment pieux qui est un acte de désobéissance à Allah. Et avec cela, on a fini pour aujourd'hui. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et donc on essaiera de mettre le cours dès que possible dans les jours qui viennent, inchallah, sur le site en audio et en écrit aussi, inchallah. وجزاكم الله خيرا.